Allez, hop, on va essayer de faire l'enregistrement pour l'épisode 2. Oui, la gorge va mieux. J'ai toujours une espèce de vieux goût dans l'arrière de ma gorge qui rend tout très mauvais. Je suis triste, j'aime plus manger. Bref, allez, c'est parti. Alors, j'ai décidé, comme Tikaz, là, il arrive de loin, décidé qu'il arrivait en sifflant. Oh putain, j'y arrive plus. Bref. Alia, Clem, faut que je vous parle. Alia, Clem, faut que je vous parle. Clem ou Claim? Oh merde. Du coup, tu vas faire les deux. Alia, Claim, faut que je vous parle. Alia, Claim, faut que je vous parle. Ok. Salut, Alia, Claim, faut que je vous parle. Salut, Alia, Claim, faut que je vous parle. Yup, venez, on va s'éloigner un peu. Yup. Venez, on va s'éloigner un peu. Ah, venez, on va s'éloigner un peu. Yop, venez, on va s'éloigner un peu. Ok, scène 3. Ils sont juste à côté en fait. La théorie de test se confirme. Oh non, attends. Je sais pas pourquoi ma gorge me casse les couilles comme ça. Oh là. La théorie de test se confirme. On a bien quelqu'un qui s'est implanté la puce des précédents morts. Ouais, c'est nul à chier. La théorie de test se confirme. On a bien une espèce de taré qui s'est implanté la puce des précédents morts. Les. Oh, pardon. Et la théorie de test se confirme. On a bien quelqu'un qui s'est implanté la puce. La puce. Putain. Je vais jamais y arriver. La test de théorie. La théorie de test se confirme. Il y a bien quelqu'un qui est en train de s'implanter. Mais non, c'est pas ça. Lis le texte. Lis le texte. On a bien quelqu'un qui s'est implanté la puce d'un des pressants. Il y a bien quelqu'un qui s'est implanté les. On a bien affaire à quelqu'un qui s'est implanté la puce des pressants. Oh non, je suis désolé. Ok, cette fois-ci, c'est la bonne. La théorie de test se confirme. On a bien quelqu'un qui s'est implanté la puce d'un des précédents morts. Bon, c'est dommage, je joue mal. On a bien quelqu'un qui s'est implanté la puce d'un des précédents Maccabées. Je sais pas, j'avais envie de dire Maccabée. On a bien quelqu'un qui s'est implanté la puce d'un des précédents morts. Quelqu'un a dû lui dire mange tes morts et il l'a pris littéralement. Aussi étonnant que ça en a l'air, c'est pas impossible. Si l'opération a été faite par un professionnel, ce type de patient devrait pouvoir s'en tirer. Mais je voudrais pas être dans un. Mais je voudrais pas être dans sa tête, hein. La migraine qui doit se taper là, ça doit être immonde. Rien que le fait qu'il puisse marcher m'étonne en fait, hein. Aussi étonnant que ça en a l'air, c'est pas impossible. Si l'opération a été faite par un professionnel, ce type de patient devrait pouvoir s'en tirer. Bon, enfin, je voudrais pas être à la place de sa tête, hein. La migraine qui doit se taper. Ça doit être immonde. Bah, rien que le fait qu'il puisse marcher, en fait, c'est vachement étonnant. Mais bon, possible. Oh Pardon, je bâille. Aussi étonnant que... Oh non, c'est bon. Je pense que c'est bon. Et Eric était au sud de la ville. Et Eric était au sud de la ville. Et Eric, il était au sud de la ville, quoi. La base. La base. Rick Samist, le pote de Scooby-Doo. Pardon. Rick Samist, le premier à s'être fait tuer. Rick Samist, le premier qui se soit fait crever. Rick Samist, le premier à s'être fait tuer. Rick Samist, le premier à s'être fait tuer. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Never gonna give, never gonna give. Give you up. Never gonna give, never gonna give. Give you up. Bon, je pense que j'ai pas besoin forcément d'en faire un deuxième. Désolé, c'était tentant. Désolé, c'était tentant. Je vais faire le truc. Never gonna tell. Désolé, c'était tentant. Never gonna tell. Désolé, c'était tentant. Mais c'est une des meilleures chansons de l'ancien monde, je trouve. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est une des meilleures chansons de l'ancien monde, enfin, je trouve. Je trouve que c'est une des meilleures chansons de l'ancien monde. Une des meilleures chansons de l'ancien monde. Avec l'autre, attends. C'est quoi? What is love? Baby, don't hurt me, no more. Je t'aime aussi, mon chou. Moi, je t'aime aussi, mon chou. J'aime pas quand on s'appelle par nos noms, c'est si informel. Aïe, j'aime pas quand on s'appelle par nos prénoms. Par nos prénoms. Ouais, gros gogol. Ah, j'aime pas quand on s'appelle par nos. Ah, putain, mais j'arrête pas de taper là-dedans. J'aime pas quand on s'appelle par nos pronoms. Ah, j'aime pas quand on s'appelle par nos noms, c'est si informel. So uncivilized. Bah, ouais. Ben, ouais. Je sais pas combien de listes il y a, mais enfin, j'ai la main sur l'une d'elles. Ben, ouais. Ben, je sais pas combien. Ben ouais, je sais pas combien il y a de listes, mais j'ai la main sur l'une d'entre elles. Ben ouais, enfin, je sais pas combien il y a de listes, mais j'ai la main sur l'une d'elles. Hé, t'emballe pas, faut bien qu'on vous recense. Et l'accès aux listes est ultra restreint. Bon, moi j'y ai accès alors que je suis un gros bouffon, mais enfin. C'est quand même super restreint. Et t'emballe pas, faut bien qu'on vous recense. Et l'accès aux listes est ultra restreint. C'est confidentiel. Et t'emballe pas, faut bien qu'on recense. Et t'emballe pas, faut bien qu'on vous recense. Et l'accès aux listes est ultra restreint. Pardon. Je m'étouffe parce que ma gorge, elle est quand même un peu gonflée. Et l'alvéoliste est ultra restreint. C'est les R. J'espère que j'en ai pas trop. Ben, l'équipe technique, la chef, le gouvernement et ben, l'équipe technique, la chef, le gouvernement a des listes temporaires et certains augmentés aussi. Ben, l'équipe technique, la chef, le gouvernement a accès à certaines. Ah, attends, pardon. Parce que en fait, j'essaye d'improviser en même temps. Ben, l'équipe technique, la chef. Le gouvernement a des listes temporaires et certains augmentés aussi. Voilà. Tranquille. C'est-à-dire? De quoi? Hein? Quoi? Quoi que tu veux dire? Et si ce quelqu'un est celui qui est en train de se faire implanter une puce, on a quelques jours avant qu'il se remette à tuer. Et si ce quelqu'un est celui qui est en train de se faire implanter une puce, on a quelques jours avant qu'il ne se remette à tuer. Il va falloir faire vite. Et si ce quelqu'un est celui qui est en train de se faire implanter une puce, on a quelques jours avant qu'il se remette à tuer. Il va falloir faire vite. Va falloir faire vite. Je vais sortir une liste des augmentés. Vous irez les interroger pendant que je scanne leur puce. Je vais sortir une liste des augmentés. Vous irez les interroger pendant que je scanne. Je vais sortir une liste des augmentés. Vous irez les interroger pendant que je scanne leur puce. Vous irez les interroger pendant que je scanne leur puce, putain. Vous irez les interroger pendant que je scanne leur puce. Fin de l'épisode 2. Hop.